Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up NXT Takeover San Antonio du 28 janvier. Nous sommes filmés puisque nous sommes en compagnie de notre réalisateur préféré et aussi notre seul réalisateur, Yerem. Salut Yerem. Salut Hank, salut à tous, attention, vous êtes filmés. Donc voilà, moi je suis Hank, hein, comme il vient de le dire. Et puis nous avons notre acteur et néanmoins spécialiste. Rated R Superstar, l'amiral Ambar. Salut les gars, salut tout le monde. Donc nous allons parler, comme je vous l'ai dit juste avant, du NXT TakeOver San Antonio du 28 janvier, juste avant le Royal Rumble, qu'on couvrira aussi, peut-être en vidéo, peut-être pas en vidéo, et ben, il faut s'abonner pour le savoir. Donc tout d'abord, nous allons parler du premier match, hein, on va le prendre dans l'ordre chronologique, c'est Ty Dillinger contre Eric Young. J'ai hésité à dire Dillinger. Donc Eric Young, Eric Young de Sanity, la Wyatt Family d'NXT finalement. donc Sanity qui sera là autour du ring, sauf Nikki Cross qui a un match contre Asuka, mais on en parlera un peu plus tard. Je vais le faire sous la même forme que j'ai fait le dernier podcast de Raw, c'est-à-dire au lieu de vous raconter les matchs mouvement par mouvement, esgoré, etc. Et botch ben, par botch. Botch par botch. Je donne les 4, 5, 6 trucs à retenir. Donc les 4 trucs à retenir, pas très précis. Hein, parce que j'avoue que j'ai pris ces notes de mémoire pour le premier match. Le reste sera beaucoup plus précis. Donc 4 trucs à retenir. On a Ty Dillinger qui est toujours aussi over avec la foule. Hein, il a fait une entrée sous une acclamation énorme. Toujours les ten, enfin le public qui veut un peu casser les couilles des arbitres dès qu'ils font un décompte. Il a réussi à caser quand même deux tie-breakers, hein, si je ne m'augure pas. Donc on a eu aussi les deux autres de Sanity, dont je n'ai pas le nom en tête, qui sont intervenus plusieurs fois dans le match. Hein, c'était le fameux Numbers Game, hein. Donc voilà, Ty Dillinger contre les trois finalement. Dernier truc que j'ai noté, c'est que Dillinger a réussi pendant tout le match à les repousser. Hein, donc il a look strong finalement. Il arrivait vraiment à tenir le coup et puis c'est vers la fin où là ça a pas tenu et puis il s'est fait distraire. Et Eric Young a réussi le tombé de 3, donc une nouvelle défaite pour Ty Dillinger. Et j'ai noté, s'il n'est pas au Rumble demain, je vais brûler le siège social de la WWE. Voilà. Bah, je crois que tu ne seras pas le seul à y être. Hein. Je pense que là, plein de jeunes pyromanes ils vont débarquer. Au Rumble, quand le 10e va arriver. Au Rumble, quand le 10e va arriver, si ce n'est pas Ty Dillinger, ça va être un scandale, mais si c'est lui, je pense qu'on va tous popper comme des malades. Hein. C'est tellement parfait là, ce qui peut se passer, ça peut être vraiment génial. Donc, j'ai entendu une autre idée, mais j'en parlerai juste après. J'ai entendu une autre idée sur la suite de Ty Dillinger, mais juste pour donner vite fait, moi, mon avis, le match était vraiment sympa. C'était un bon match, rien d'exceptionnel, mais c'était vraiment sympa à regarder. Ouais, bah écoute, ouais. c'est vraiment l'opener quasi parfait avec le chouchou du public, le vilain avec plein d'interventions. Tu parlais des arbitres qui doivent galérer là avec les comptes de 10 et des comptes à l'extérieur. J'avoue que je sais pas, enfin, même moi j'avais du mal à suivre. Regardez maintenant, il faut que tu regardes les doigts des arbitres pour savoir où est-ce qu'on en est exactement dans le décompte. Je crois qu'ils en font exprès aussi. Je crois qu'ils augmentent le nombre de décomptes, enfin, ils poussent sur les décomptes à l'extérieur dans les matchs exprès pour faire réagir. Ouais. Le public. Bah, là, il y avait même le fameux, je sais pas si t'appelles ça un décompte, mais à l'intérieur, quand les deux hommes sont à terre, où l'arbitre commence à compter. Oui. Façon last man standing, donc même là on y avait droit, donc effectivement il commence, j'ai l'impression comme tu dis, à jouer avec ça, donc il y a vraiment un truc. Le match était vraiment bon, il a explosé pas mal de colonnes vertébrales là, Ty Dillinger avec son finisher là. Donc ouais, c'était une bonne façon de chauffer, moi j'étais chauffé à bloc avec après ce match, donc une bonne façon de commencer, hein. Ouais, Ty Dillinger, c'était vraiment le challenger ultime qui fait des bons matchs, mais qui perd souvent. Donc là, il était forcément à 3 contre 1 quasiment. Donc c'était le résultat est logique, mais il s'est vraiment battu comme un beau diable. Il a vraiment mis des coups à tous les membres de Sanity autour. À la fin, logique, il perd, mais il s'est vraiment bien battu, comme tu l'as dit, Hank, il looks strong. Donc c'était bien booké, quoi. Donc c'est quoi ton idée pour la suite de Dillinger qui ne serait pas forcément donc une arrivée au Royal Rumble en numéro 10? Alors, c'est ce que j'ai entendu dans le podcast de Hill, comme Giscal l'a dit, c'est-à-dire Fightful. Ah, je crois que t'allais dire Catch Up Raw. Ketchup Pro, ouais, nous on a la version française, mais je sais plus lequel disait, enfin bref, que Ty Dillinger pourrait très bien revenir, et vu que. Mais alors, je vais pas spoiler Non. la suite du pay-per-view, mais il pourrait revenir et on va dire sans faire référence à la personne, avoir une vengeance sur quelqu'un qui l'a trahi, voilà, Ouais, on en et reparlera la fin. repartir vers la conquête du titre principal. Donc voilà, vous aurez forcément deviné de qui je parle finalement, Oui. mais donc voilà, ce serait aussi une autre voie. Je sais pas s'ils vont se casser les couilles à faire tout ça, Non, mais mais il faut qu'ils y aillent. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Déjà, au précédent pay-per-view, souvenez-vous, on était déjà au taquet. Il avait fait un peu une. Il est droit à une standing ovation. Moi, bon, c'était au Canada, donc forcément, c'était le local, le héros local. Enfin, on était beaucoup à s'attendre à ce que le lendemain, il monte dans le main roster. Là, ils ont encore attendu un petit peu. Et là, enfin, les gens sont chauds, quoi. Enfin, si que le 10 apparaît, on le voit pas. Je sais pas si les gens vont attendre le lendemain pour aller brûler Stamford, si tu vois ce que je veux dire. Ça serait Et une le occasion manquée, c'est clair, hein, parce que même le public du gros show, donc du pay-per-view du lendemain, effectivement, était vraiment à fond, ten-ten partout. On l'a entendu après à Raw plusieurs fois. Donc c'est Ouais. vrai, comme tu dis, RM, là il y a une hype sur Dillinger dans le main roster au niveau du public. Donc je pense que généralement, en plus, la WWE a tendance plutôt à profiter de ces vagues-là pour faire du marketing et vendre des t-shirts. Hein. Par contre, j'aimerais bien qu'il arrête de porter Teddy Dillinger, cette espèce La de veste à collerette? collerette. Ah ouais, non, la collerette, ça va pas. On Et dirait un méchant du Bad Trippers, quoi. le panneau accroché dans le dos, non. Non. Non, non, non, non, ça c'est mauvais goût. Ça va Mais trop sinon, loin. ouais, je pense que c'est le même costume designer que le costume de Nia Jax, en fait, qui a fait celui de Ty Dillinger. Ah Et là, ça passe oui, oh pas. là là, ouais. Ah, bah, il y a des rookies aussi dans le staff couture de NXT. Ils ont des stagiaires de troisième, eux aussi. Et ouais, ça Les se stages voit. entreprises, découverte entreprise. Qu'est-ce que ça porte déjà les superstars? Des collerettes, des grandes collerettes. Donc, du coup, on va passer à un match qui avait vraiment pas de storyline, et on savait pas vraiment. Ça n'a pas été vraiment. Il n'y avait pas vraiment de prétexte, peut-être deux petites séquences d'embrouille entre les deux, mais donc c'est La Andrade fierté. Cien Almas, tu disais? La fierté, c'est ça, Le c'est goût du combat, du challenge, exactement. l'envie d'être Voilà. dans un pay-per-view, d'avoir une J'aime pas prime. comment tu me regardes. On va se battre. Ok, Ouais. c'est parti. Ah, tu m'aimes pas? Eh bah, ça va pas se passer comme ça. Donc, du coup, c'est Andrade Cien Almas qui a le pire nom du monde. Hein. Franchement, changez-le. C'est horrible. C'est pas du tout vendeur. Contre Roderick Strong. Donc, 5 trucs à retenir. C'était un match très très rapide. Hein. C'était un peu le match indie de la soirée. Hein. Il y avait des dropkicks, des mandales, des coups de pied dans la tête. Ça allait à droite à gauche. Cien Almas a vraiment très bien joué le heel, en tout cas j'ai trouvé, en visant l'épaule gauche de Roderick Strong pendant tout le match, enfin le bras gauche en général. un bar qui compte les points. Donc voilà, beaucoup de soumissions et de combinaisons dans les cordes. Troisième point, Cien domine le premier tiers du match, puis Roderick revient avec un impressionnant backbreaker et un running knee qui assomme donc Cien Assomme. Almas. Qui assomme. Donc Cien Almas qui est de plus en plus frustré. Quatrième point, rattrapant Cien Almas qui montait sur le poteau pour faire son moonsault, Roderick le prend comme un bébé et le plante sur le haut du poteau, pile au milieu de son dos. Et cinquième point, après un high knee ou haut genou casé sur Cien Almas en pleine course, Roderick lui met une running boot ou un broad kick, hein, selon que vous êtes fan de Ouais, Sheamus. le sick kick qu'ils appellent ça. Voilà, Et donc assez violent, et puis il réussit le tombé 3, victoire de Roderick Strong. Victoire importante de Roderick Strong, qui était pour l'instant qui était un peu en train de patauger à NXT. Donc voilà. Un match très sympathique aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ces deux gars qui sont retrouvés un peu dans la main event picture dans le match pour déterminer le first contender contre Nakamura il y a quelques semaines. Ils ont commencé quelques temps à NXT et il manquait un peu un gros match pour l'un ou pour l'autre. Et je pense que ce match c'était ce match-là justement. Vraiment, ça, au final, ça donner une place légitime à ces deux gars dans la top card de NXT. Le match était vraiment violent. Il y avait des coups qui avaient beaucoup d'impact. T'avais vraiment mal pour eux. Il y avait des nerfs folles. Ils ont brillé chacun. Les deux sont sortis comme étant OK. Ces mecs sont balèzes. Plus que au début, avant le match en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit OK, ces deux-là, ils ont un bon avenir dans NXT. Ils ont fait un bon match. Vraiment, je trouve que ça a été intelligemment booké. Les deux sont en sortie grandie et renforcés et c'est plutôt cool. Ouais, là le seul point là qui me gêne encore un petit peu, mais bon ça se travaille, hein, c'est vraiment l'interaction avec le public qui était pas super bien gérée chez Nalma justement, déjà en face insipide, c'était bon évidemment ça a juste pas fonctionné. En pompier, oh mon dieu. Ah, là j'étais assez étonné d'ailleurs de le voir qu'il avait encore son chapeau en pompier, oui avec ses bretelles là, c'était juste, enfin c'était fait pour pas fonctionner. Voilà, je trouve qu'il manque encore ce côté-là. Dans le ring, c'est solide, mais l'interaction avec le public n'était pas trop là. Effectivement, il jouait le mec focus, très assez sombre. Bon, bah, la sombra, quoi. Mais son interaction avec le public, il laisse encore désirer. C'est pareil que Roderick Strong, ils sont trop passifs, quoi. Il fait son beau sourire. Voilà, il fait des beaux regards caméra une fois que le match est terminé. Mais ça, c'est le petit truc qui fait que. Voilà, je me suis bien rendu compte en voyant ce match que, comme tu l'as dit, Amiral, les mecs, c'est solide. Tu sens qu'ils ont plus grand-chose à apprendre techniquement, quoi. Mais voilà, il faut aller faire les classes d'interaction avec le public, là, parce que c'est un peu ce qui a manqué dans ce match-là. C'est vraiment ouais, l'interaction avec le public. Complètement, bon, on a Cien Almas qui parle vraiment pas bien anglais, donc ça c'est un frein, c'est sûr. Ouais, et Roderick Strong qui a une grosse carrière, hein, qui a été champion de la Ring of Honor pendant très longtemps, mais c'est vrai qu'il a été dans des fédérations où ben, on n'est pas trop sur la promo, on n'est pas trop sur l'interaction publique. Donc là les deux, je pense, en termes de ring, de catch, etc., ils sont adaptés, là on l'a vu dans le match, au style de la WWE. Maintenant, il faut qu'ils montent leur niveau aussi, effectivement, sur le côté promo, interaction, comme tu dis, c'est la prochaine marche qu'ils ont à franchir. Mais c'était bien stiff, hein, t'as raison. Oh là là. Ah ouais, ça... Les coups qui sont mis sur la tronche. Au début, ça a eu un petit peu de mal à démarrer. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et quand ils ont commencé à s'échanger, là, les coups de genoux, les coups de coude, ça claquait bien. Hein. Ouais, et le six kick, donc la prise de fin de Roderick Strong, vraiment, je trouve que c'est un des coups de pied avec peut-être la Kinshasa de Shinsuke qui est la plus impressionnante en ce moment, quoi. C'est son nom porte bien le nom, quoi. Six kick, le coup de pied de malade, c'est vraiment ça, quoi. Bon, c'était cool quand même pour un match qui a été booké sur quasiment grand chose, comme le dit Rank, sur deux mecs qui n'avaient pas forcément fait encore leur preuve au sein des NXT jusqu'à présent. Bah, le match était quand même putain de solide, donc. Ouais, chapeau, les gars. Ouais, le seul truc qui leur manque, c'est toujours le même souci avec les mecs qui viennent de l'Inde, enfin, qui viennent de l'Indé, mais qu'on fait peut-être presque trop d'indie, c'est que ils sont excellents dans un match, mais alors dès qu'ils doivent enrober le truc, enfin, il y a pas le spectacle, justement, ils ont le catch et il leur manque le spectacle, quoi. Il leur manque comment, la psychologie un petit peu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment on voit un peu la différence avec l'opener, quoi, où le public était à donf et là c'est un peu retombé. C'est vraiment le je dirais la puissance, la sickness du combat qui a fait que les gens sortent, enfin voilà, embarqué, mais ouais. Mais bon, ça reste encourageant, quoi. Enfin. Bah, c'est un problème de gimmick aussi, comme tu dis, sur le opener. On a Teddy Dillinger qui a un gros gimmick avec le public, Sanity aussi qui est très coloré, alors que là, bah, Cien Almas, bon, c'est un heel, mais c'est juste un méchant, un mec qui triche. Un méchant silencieux, quoi. Ça me... Ouais. Pourquoi vous en faites pas un trafiquant de drogue? Mais oui, un baron, tu veux dire. Mais ouais, mais il a déjà une tête de trafiquant de drogue. Je suis désolé d'être raciste, mais quand même. Un pompier trafiquant de drogue. Ouais, et puis Strong, c'est pareil. Bon, voilà, c'est le face. Le pompier pyromane. Ouais, c'est ça. donc voilà. Bah en tout cas, content pour Roderick Strong, hein, en espérant qu'il fasse un miracle qui tente de mettre le feu au studio là, hein, avec son briquet, son zippo. Bon, on va passer à DIY contre les Authors of Pain, Authors of Pain. Donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Hakim et Razor. Voilà. J'ai retenu leur nom ce soir. Je crois que c'est Akam. Akam et Rezar. Voilà, c'était pas loin. Akam et Rezar. Akim et Razor. Maintenant, ils mettent leur nom sur leur veste pour qu'on se rappelle leur nom, qu'on les distingue. Parce que c'est ouais, pas bah, visiblement, ça a pas marché moi, sur Akim. Hank. Non. Moi, heureusement qu'il y en a un qui a un gros tatouage sur le bras. C'est comme ça que j'arrivais à savoir qui était dans le ring. En fait, ils avaient changé. Parce que... En fait, j'ai commencé mes notes en disant à chaque fois un des Authors of Pain, un des Authors of Pain. Et après, je vais je vais noter leur nom. Et puis j'ai écouté. Et l'autre, il dit ah, il dit quoi, Hakim? Bah, apparemment, il est en train de parler en arabe à un moment. Donc... Ça doit correspondre. Enfin, bref. Après, ce racisme latent. Parlons du match. En un contre un, donc vous voyez les 5 trucs à retenir du match, hein, comme d'habitude. Donc, premier truc à retenir, en un contre un, les DIY se font complètement démonter au début du match, hein, contre les Authors of Pain. Mais c'est seulement lorsqu'ils commencent à combiner entre eux qu'ils réussissent à les pousser vers l'extérieur du ring et à commencer à équilibrer un petit peu le match. Deuxième point à retenir, Gargano a été torturé pendant 10 minutes au moins par Akam et non pas Hakim. Il a été plié en deux, écrasé dans un coin du ring. Enfin bref, le classique de Gargano, hein, il aime bien se faire torturer dans les matchs, j'ai l'impression. Et il prend aussi l'espèce de combo des Authors of Pain où donc du coup, il s'appelle comment? Rezar. Rezar, Rezar, voilà. Et ben donc c'est Rezar qui saute du poteau alors que son compagnon est en train de tenir Gargano dans ses mains pour lui foutre un gros pied dans le ventre. Donc voilà, Gargano torturé. Troisième point. Au bout de cette torture, Ciampa est tagué et là il fait l'arrivée. L'arrivée chevaleresque, il réussit à sonner les deux monstres, il court partout. Et puis surtout, il leur case à chacun un German suplex. Alors que les mecs doivent peser dans les 150 kilos. Quoi. Donc voilà, quatrième point, alors que Akam venait de reprendre le dessus, Gargano se tag sur Ciampa et les DIY font un double spear sur lui, mais seulement tombé de deux. Et ils enchaîneront juste après avec une double soumission sur les Authors of Pain, refaisant exactement le spot final du match contre Revival à NXT Toronto. Mais cette fois-ci, Gargano se fait soulever par Rezar, qui utilise le corps de Johnny Gargano pour casser la soumission de Ciampa. Donc voilà, spot vraiment impressionnant. Et puis, dernier truc à retenir, alors que Ciampa et Gargano étaient en position pour faire une sorte de running knee symétrique, hein, ils sont chacun d'un côté du ring et les deux Authors of Pain sont à terre au milieu, donc à deux doigts de faire ce running knee, ils se font prendre par les deux molosses et ils se retrouvent sur leurs épaules et les deux molosses trinquent avec les cordes Gargano et Ciampa, puis les slament au sol dans une prise qui s'appelle le Super Collider. Et ils enchaînent ensuite avec une combinaison sur Ciampa pour le tomber victorieux. Authors of Pain sont donc les nouveaux champions NXT. Qu'est-ce que vous avez pensé du match et est-ce que vous êtes surpris du fait que finalement DIY a perdu au pay-per-view qui a suivi finalement a perdu. Moi il y avait un spot que j'avais bien aimé aussi, c'était les Authors of Pain qui ont fait ça sur je sais plus lequel des DIY. Il y en a un qui prend donc DIY en sit-up powerbomb et l'autre fait un backbreaker en même temps. C'était assez violent et impressionnant. Donc là c'était une belle combinaison de la part des deux monstres. Donc ça c'était cool. Pour répondre à ta question, surpris pas tellement. Parce que quand on regarde actuellement la carte par équipe de NXT, Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment être dans le giron de la ceinture, hein, puisque bon, on a vu au dernier NXT en weekly, TM61, donc les Australiens, bah, il y a Shane Thorne qui va être en opération et en convalescence pendant 7 à 8 mois, donc les TM61 expulsés pour l'instant. Revival, on attend de voir, mais il y a des chances qu'ils partent du giron d'NXT prochainement, a priori, pour le main roster. Donc finalement, pour continuer la rivalité entre les Author of Pain et DIY, bah, la chose logique, c'est que Author of Pain gagne. Parce que les DIY, comme ça, bah, vont avoir une revanche. Peut-être qu'ils vont regagner la ceinture, qu'il y aura une bête derrière. Donc il y a une construction sur plusieurs semaines, plusieurs mois à voir. Et les DIY est vachement bon, finalement, en outsider, en fait, en challenger. Donc là, ça fait sens. Les deux, c'est des gros monstres. Les deux, c'est DIY, même si d'habitude, on a Ciampa qui est l'homme fort de l'équipe. Là, par rapport au mastodonte de Author of Pain, les deux font pas le poids. Donc, c'est pas incohérent bah, qu'ils perdent en termes de force physique, sachant en plus qu'il y a Paul Herring, le manager en plus. Donc, c'est une équipe de trois hommes finalement. Et je pense que la construction en storyline de faire la revanche, DIY qui va essayer de reprendre la ceinture, peut-être une belle comme je dis, ok, ça marche. Alors que s'ils avaient gagné, eh ben, ça fait quoi? Bah, Author of Pain qui reviennent au bout de la ligne pour le titre, mais sauf qu'il n'y a pas grand monde pour être prétendant, donc du coup, ouais, pour moi, ça fait sens. Je sais pas ce que t'en penses, IRM. Bah écoute, ouais, comme tu dis, le roster, la division tag team, et, entre ceux qui sont sur le départ et ceux qui sont divisés par deux, forcément, il reste plus grand monde. C'est vrai que ça arrive vite, en fait. C'est pas tant que les auteurs de la douleur remportent assez logiquement cette première opportunité. À la limite, dans ces cas-là, des fois, tu peux faire des matchs avec des disqualifications qui pourraient faire un peu plus durer. Mais c'est vrai que le roster est tel que il y a peut-être pas grand monde derrière, et puis c'était le bon moment. Moi, là où j'étais vraiment surpris, c'est que finalement ce match, enfin j'avais un peu peur, hein, Author of Pain, j'attendais pas grand chose, enfin pas grand chose. J'avais un peu peur, j'étais assez craintif. D'ailleurs, ça commence par un beau botch, hein, avec leurs voiles de jeunes mariés, là, quand ils arrivent sur le ring. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur la tête, les Author of Pain. Et puis, le manager qui essaie de leur arracher, évidemment, il y en a un qui reste accroché au masque de l'autre. Bon, ils sont coutumiers du fait, hein. On se souvient tous de la chaîne qui était envoyée dans le public lors du précédent pay-per-view. Qui a tué quelqu'un. Les Author of Pain ont bien adapté leur jeu. En face, ils ont des professionnels. Hein. DIY, c'est quand même. On parlait tout à l'heure de savoir raconter une histoire. Là, il y a tout, quoi. Quasiment. Il y a la technique, le sens du ring. Là, avec le public, ça prend tellement facilement et tellement bien. Et c'était vraiment un super match. Et pour les deux colosses, c'est super, c'est vraiment une bonne opération. Et ouais, comme tu dis, bon voilà, après on va avoir une suite logique avec le match revanche. Non, c'est plutôt bien, ouais, effectivement. C'est le genre de match où après coup tu te dis, ah ouais, effectivement, ouais, ils ont perdu la ceinture, mais c'est logique et ça se tient. Ouais. Les auteurs open, ils sont toujours invaincus, donc. Voilà, du coup, j'allais le dire. Vas-y, j'en prie. Non, mais j'allais le dire, du coup, c'est vrai que c'est. Moi, j'avais pas. J'avoue qu'en ce moment, NXT, je rattrape. Enfin, je regarde pas pendant deux semaines, après, je rattrape, etc. Donc, du coup, par exemple, j'avais pas vu le dernier. Les Authors of Pain, j'avoue que généralement leur match, soit je regarde à moitié ou soit je zappe parce que je suis pas trop fan du gimmick, etc. Mais je pense que le truc qui m'a plus surpris dans le match, ouais, c'est le niveau finalement des Authors of Pain. Ils étaient vraiment bons, ils ont fait des trucs impressionnants et c'était pas juste des coups de brutasse simplistes. Il y avait des combinaisons, j'ai l'impression que ils ont enfin, là avec ce match, ils ont montré qu'ils étaient vraiment une bonne tag team et pas juste deux brutes, qui foutent des coups. Ils ont fait des choses vraiment bien. Et donc oui, c'est sûr que c'est logique pour continuer à les builder dans l'esprit. Personne ne les a battus, tout comme on a buildé Asuka comme une championne imbattable. Et ça marche, même si dans le main roster, des moments, on fait ça et ça ne marche pas. Mais donc. Mais là, ils ont un peu une progression à la Braun Strowman. Hein. Leur premier match était assez gauche et maladroit au Tour of Pain. Et au fur et à mesure, bah, ils ont appris des choses. Et là, face à des opposants qui savent, comme tu dirais, raconter une histoire dans le ring et qui sont techniquement bons, bah, on voit que ça élève le niveau de tout le monde. Donc, c'est assez cool. Hein. Après, le match en soi, c'est clair, quand on compare au dernier match, au dernier au pluriel, hein, match de championnat entre DIY et Revival, clairement, en termes d'histoire et de catch, on est largement en dessous. Ça c'est évident, mais on peut pas retrouver la même alchimie, mais là au moins ça a le mérite de donner quelque chose de très différent. Ouais, mais c'est justement ça qui me faisait peur, toi, c'est après les deux Match of the Year qu'ils ont fait avec The Revival, tu te dis, ils se tapent les Author of Pain, tu te dis, ok, bon, je vais mettre, ça va être un match 2 étoiles, et voilà, tant pis, on passera à autre chose. Et bah toi, t'as des attentes pas très hautes, et à la fin du match, moi j'étais, ok, les mecs ils m'ont convaincu, c'est bon les gars, vous passez quoi. Ouais. Vous avez carte blanche. Allez et détruire alors... tout le roster de tag team, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, il est pas très grand le roster non. de tag team en ce moment. Non, parce qu'à moitié est déjà détruite, mais bon, ça. Ils se détruisent tout seuls. Ouais, bon, alors, tandis que Tom Phillips rappelle que les Authors of Pain sont invaincus, tout comme Asuka à NXT. On entend une espèce de bordel sur le ring, il y a un mec qui est en train de gueuler, on se dit qu'est-ce qui se encore passe. Encore un spectateur qui est monté sur le ring. Encore un fou. Mais non, mais c'est Seth Rollins. Il est venu pour hijack le show. Il gueule et demande à avoir le Triple H, bien sûr. Enfin, hein, on attendait, il a enfin compris au bout de combien 3-4 mois que Triple H s'occupait d'NXT. Il allait voir sur la page officielle sur Wikipédia. Qui fait quoi, l'organigramme. Et donc il appelle Triple H, tu lui dis t'as ruiné ma vie machin, bon un petit peu too much, mais bon c'est voilà. Et donc Triple H c'est un homme au bord du gouffre, comprends-tu. Ouais, voilà, il sort devant le Titan Throne et il dit rien du tout, en fait il regarde comme ça chien de faïence, et puis il fait signe à la sécurité aller chercher cet homme. Et Seth Rollins, au départ, bah, il massacre les mecs de la sécu, hein. Il leur fout des mandales. Il est plutôt violent d'ailleurs, je trouve. Hein. Là, il y a des moments où on se demandait si c'était du faux, parce qu'il y en a un qui s'est tenu le nez là juste après. Je sais pas s'il saignait pas. Mais donc voilà, Seth Rollins démonte les mecs de la sécu. Alors on se dit, bon, c'est bon, il va arriver backstage, quoi. Il y en avait 6 au début, un truc comme ça. Finalement, en fait, au moment où il va vers le backstage, bah, il y en a d'autres qui arrivent. Et puis alors là, il le maîtrise tel un Brock Lesnar. Hein. il faut au moins 8 mecs pour maîtriser Seth Rollins. Et puis on n'entendra pas parler de ça pendant le reste de la soirée. Hein. Il y aura pas de suite. On n'a pas d'éléments pour savoir si il va se passer quelque chose au Rumble par la suite. On en parlera pendant le podcast du Rumble, s'il se passe quelque chose, j'espère quand même un petit bah, truc. Ça, justement, on ne sait pas trop. Du coup, ils ont grillé une cartouche dès ce soir. Tu peux te dire, c'est leur façon d'éliminer l'épine Seth Rollins. C'est en le plaçant dans NXT, en surprenant tout le monde. De là, ce qu'on va le voir demain soir. Moi, je ne suis pas certain, mais... Je trouvais ça très bête d'avoir mis ça, justement, sur un takeover, quoi. Enfin, je veux dire, d'avoir mis ça sur un takeover et de rien faire au Rumble, parce que c'est sympa pour nous, quoi, pour les énormes fans de catch, mais pour les gens qui suivent le show principal ou qui regardent ouais, les pépites. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est une façon après de dire regardez ce qui s'est passé à takeover, Seth Rollins est apparu, Triple H. Ouais. Je sais pas s'ils se pourchassent demain pendant le match de Rumble, façon cartoon. Avec Seth Rollins qui court derrière Triple H pendant que les... Ah, c'était pas la séquence la plus mémorable du monde non plus. Je dirais pas genre regardez tes covers pour le moment où Seth Rollins non mais dit... c'était super inattendu et c'était cool. Non mais c'est logique, je me rappelle on avait parlé sur un review d'Euro il y a pas mal de temps, c'était avant le takeover Toronto hein, où justement on se plaignait de cette storyline entre Seth Rollins et Triple H qui n'avançait pas et même on se disait bah, il faudrait que Seth Rollins viennent à un show NXT, viennent au TakeOver Toronto chercher, pour chercher Triple H. Donc là, enfin, ils le font. Et là, finalement, entre ça et ce qui s'est passé la semaine dernière, donc lundi à Raw, où il y a la musique de Triple H qui a sonné dans l'arène, et ben, en une semaine, ils ont fait plus sur cette storyline que les 4 derniers mois. Donc, personnellement, je ne vais pas m'en plaindre. Même si c'est très anecdotique, au moins, ben là, ça recommence un peu à avancer et on peut que s'en réjouir. Donc, après, il faut voir... quand est-ce que ça va aboutir? Je pense que le Royal Rumble qui est demain, il va pas se passer grand-chose, peut-être qu'il y aura une séquence là-dessus. On sait que ça va être pour Mania de toute manière, mais au moins il se passe des trucs et je trouve que c'est bien qu'il y ait fait cette interaction entre la storyline qui va certainement être à Mania dans le takeover d'NXT. Je trouve ça cool. Puis c'est sympa de revoir, je pense, Rollins qui était le premier champion NXT hein, à l'époque. Ouais, bien sûr. Lors d'un takeover. Donc le ça, public cool. était chaud. Hein. Ah, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ils ont crié bullshit à la fin hein, quand oui, ça s'est terminé. Pas parce qu'ils disaient, ils étaient chauds quoi. Mais moi je suis d'accord. Bon, s'ils se réveillent au bout de quelques mois parce que voilà, je sais pas, Triple H n'était pas dispo, je sais pas quoi. D'accord. Mais alors s'ils se réveillent, qu'ils se réveillent totalement et qu'ils nous fassent pas le coup de ah bah il y a Seth Rollins à takeover et puis le lendemain c'est genre calme plat. Et puis l'Euro prochain, ça va être calme plat. Et puis en fait, on va en reparler dans... Ouais, non, maintenant, faut y aller. Là, faut y aller, c'est ouais. Vrai. Donc voilà. Et on va passer au match féminin. C'était donc Asuka contre Nikki Cross et deux grognasses. Les deux pains beiges du lycée. Non, c'est les ça. Australiennes Billy Kay et Peyton Royce. Mais bon, je les appelle les deux grognasses parce que c'est vraiment leur gimmick finalement. Et donc les cinq trucs à retenir une nouvelle fois. Donc premier truc, c'est que Nikki et Asuka essayent d'avoir un duel, mais les deux Australiennes viennent à chaque fois les empêcher. Ça c'est quasiment tout le, enfin la première moitié du match. Asuka réussit à faire une souplesse sur les deux Australiennes en une seule prise, hein, alors qu'elle se tenait aux cordes. Donc voilà, troisième truc à retenir, Nikki fait un impressionnant crossbody, on va dire, en sautant de la troisième corde sur les deux Australiennes. Et ensuite, par contre, les Australiennes sont vraiment fâchées. Elles la balancent sur les comment les barricades en remontant vers le Titan Throne. Et puis elles arrivent à la table des commentateurs. Et alors que Nikki Cross était en train de préparer la table pour je ne sais pas quoi, donc Billy Kay la rattrape. Et elle réussit à la maîtriser. Et les deux Australiennes la mettent un peu en. J'allais dire, elle la monte en chandelle. Et puis elle la balance à travers une table qui était juste à côté, hein, comme par hasard. Voilà. Nikki Cross qui se retrouve affalée au milieu d'une table brisée. Quatrième chose à retenir, Asuka a inventé le kick out à base d'un bridge après un tombé de Peyton. T'as donc, vu ça sur la tête. Voilà, Peyton Royce donc du coup tente le tombé et Asuka se relève telle l'araignée. Peut-être un clin d'œil à Bray Wyatt de Gola. Et cinquième truc à retenir, malgré les combinaisons des Australiennes. Elles se prennent chacune un gros kick monstrueux dans la face par Asuka et la reine japonaise réussit sans tomber, reste championne d'NXT. Je sais plus sur laquelle elle a fait tomber, mais sur Peyton Royce. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match qui était pas si long que ça, je crois. Hein. Ça a duré genre un quart d'heure, un truc comme ça. Ouais, mais voilà qui montre du coup une nouvelle fois que les enfin Peyton Royce et Billy Kay finalement même à deux elles arrivent à rien et Nikki Cross qui a été du coup neutralisée hein, et c'est pas elle a pas bougé de sa table pendant le reste du match. Moi j'ai trouvé ça bien, encore une fois je trouvais ça intelligemment construit, j'ai bien aimé comment ça a été amené dans les shows weekly, hein, puisque pour la petite histoire rapidement, Peyton Royce et Billy Kay agressent Asuka lors d'un weekly. Nikki Cross arrive pour défoncer les deux, puis défonce aussi Asuka. À la fin du show, Asuka qui fait irruption dans le bureau du GM, donc William Regal, qui fait « Oui, fais un match, fais le match pour Takeover. » Et lui qui fait « Ok, mais contre laquelle ?» Et Asuka, championne vraiment terrible, il fait « Toutes, je les veux toutes. » Donc déjà, je trouvais le build de ce match assez sympa. Ça vraiment, ça mettait l'emphase sur le côté Asuka qui est une fighting champion et qui n'en a rien à battre de qui en face elle va aider monter. Et c'est ce qui arrive. Je trouve que ça marchait bien. Le fait qu'elle neutralise comme ça Nikki Cross avec cette prise d'être à la table, même si encore une fois, on peut se demander que foutait cette table-là. Ok, c'est pas grave. Non, je trouve que ça marchait bien. C'est la table espagnole qui a été annulée. C'est peut-être ça, ouais. La taille mexicaine, bah, Trump il a construit le mur, il peut plus venir maintenant les mecs, hein, c'est obligé, hein, c'est foutu, on ne le reverra plus, Carlo Rodriguez et machin. Je croyais qu'il voulait creuser des tunnels pour venir. Peut-être qu'ils seront là pour le Rumble, on verra bien demain. Non, je trouvais encore une fois que c'était intelligemment construit, Nikki Cross qui reste encore un peu mystérieuse, mais qui a montré sa personnalité très, très chaotique à l'image de sa faction Sanity, donc là ça reste cohérent. Peyton Royce et Billy Kay qui, à mon nez, on pouvait croire peut-être qu'elles allaient gagner, mais Asuka qui reste encore effectivement indémontable, ça fait un peu plus de 300 jours maintenant qu'elle est invaincue championne NXT. Donc la suite, on verra. Je pense qu'à un moment donné, Amber Moon, ils sont en train de la monter. Je pense que c'est la seule qui, en 1 contre 1 aujourd'hui, peut représenter un danger pour Asuka. Et là, en attendant, c'était une bonne opportunité de faire un match à 4 qui a plutôt bien fonctionné, malgré qu'il soit court. On ne s'est pas ennuyé. Franchement, il y a des beaux trucs, des bons spots. Donc, plutôt content. Ouais. D'ailleurs, tu disais, là, je devrais voir, là, c'était 10 minutes qu'il a duré le match. Donc, D'accord. En comptant la séquence assez longue de la table, parce qu'il fallait aller à l'autre bout, hein, maintenant que c'est en dessous du titantron. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'humour. C'était un peu... Il y avait beaucoup d'humour. J'ai bien aimé, moi, la prestation des deux Australiennes. J'aime bien la dynamique qu'elles ont ensemble. Notamment, elles ont tenté le tomber. L'autre, elle a tenté d'aider sa copine pour le tomber. Ça n'a pas suffi. Et Nikki Cross, moi, je suis plutôt fan. Alors, elle en fait des tonnes, mais bon, faut bien que le personnage rentre dans la tête du public. Mais entre la folie de Nikki Cross et la folie de Asuka, que les deux vont se retrouver probablement un contre un, incessamment sous peu, je suppose. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a essayé de nous raconter, j'imagine, avec ce match. Ça peut vraiment donner un truc bien si elles vont jusqu'au bout de leur folie. Asuka était un peu... on n'a pas vu grand chose quand même de son catch, quoi. Enfin, c'était surtout les deux Australiennes qui étaient vraiment, j'ai trouvé, enfin, qui avaient quelque chose à raconter. Et Nikki Cross, enfin, voilà, en tout cas, là, bon, elle a fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Et, bon, c'était un bon match, mais pas forcément dans le ring, quoi, qu'il y ait des bonnes prises, là, notamment cette espèce de... C'est quoi Nikki Cross qui porte sur Asuka, je crois. C'était quoi? Je sais pas si t'en as parlé dans tes 5 points là, espèce de DDT, enfin reverse, enfin ou crossroad, je sais pas comment t'appelles ça, où elle se place comme fait Randy Orton là. Ouais. Et en fait, un ging DDT. Ah oui, sur le bord du ring. DDT from the outside. Ah, donc ça c'était assez impressionnant. On the concrete floor. C'est comme celui de Randy Orton, mais l'inverse, ouais. Enfin, elle la retourne au dernier moment. Elle la retourne au dernier moment. Donc ça, c'était plutôt impressionnant. Et donc ouais, c'était un bon match. La hype et la qualité du pay-per-view est restée. Voilà, on n'est pas retombé, trop retombé. Et puis on a eu un bon spot avec cette fameuse table dont vous avez parlé. Donc j'ai passé. Surtout, c'était pas forcément évident, hein, puisque le dernier takeover, ben, c'était Asuka contre Mickey James, hein, parce qu'il n'y avait personne à mettre en face, donc ils ont fait rappel à une ancienne légende. Donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué de mettre quelqu'un face à Asuka. Donc là, en 2 mois, construire, monter Peyton Royce et Billy Kay comme étant potentiellement dangereuses, Nikki Cross qui venait d'arriver et aboutir à un match à 4 qui fait sens. Ok, c'était pas gagné, donc rien que pour ça, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot quand même en termes de construction. Enfin, je trouve. Ouais. Moi j'ai trouvé le match sympathique. Ma seule déception, c'est que J'attends de voir un match référence, comme ils disent dans les commentateurs de foot, un match référence de Nikki Cross, en fait. J'ai envie de voir ce qu'elle sait faire. Ce qu'on a vu d'elle, même à NXT, ça reste souvent plus de la folie que des prises. Hein. Il y en a quelques-unes, mais j'ai envie de la voir dans un match un contre un. Et parce que j'aime beaucoup sa gimmick. De toute façon, j'aime beaucoup sa Nikki en général. Je trouve que ça fait partie de ces trucs qui redonnent de la vie là, à NXT ces derniers temps. Donc voilà, les Australiennes ont fait leur taf. Après, elles ont un niveau potable, mais le truc, c'est que je peux pas m'empêcher de les voir comme des divas. Quoi. C'est pas seulement le costume, mais c'est genre leur attitude. Leur attitude, ouais, leurs promos ouais. Qui sont très mauvaises généralement. C'est un peu des Bella Twins, hein, quelque part, les Bella Twins de l'époque, du voilà. Team Magic, etc. Hein. C'est les deux copines qui sont des pimbèches et qui font losers, comme ça, et qui ne peuvent gagner qu'en trichant. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Même si sur la fin du match, les dernières séquences, quand il n'y avait que Peyton Royce, je trouvais que ces mouvements, ces prises contre Asuka étaient de meilleure qualité que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc. Ouais. Non, je pense que leur gimmick cache un peu. Enfin, faut pas se laisser trop enfumer par cette gimmick un peu effectivement diva, un peu old school. Effectivement, des promos qui sont pas forcément au niveau. Mais je pense, enfin, dans le ring, il y a quelque chose quand même. Et bon, là, on a un petit peu le mal à le discerner, à s'en rendre bien compte. Tout comme pour Nikki Cross, hein, tu l'as bien dit, Hank, je suis comme toi, moi j'attends impatiemment de voir un match plein de 10 minutes, 15 minutes, en 1 contre 1. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu, c'est aussi une bonne façon de faire une bonne picture de ce qui se passe un peu aussi, division féminine, Umber Moon, mais ça, on la conserve pour le grand moment. Je sais plus ce qui se passe d'ailleurs avec Umber Moon. Est-ce qu'elle est pas blessée ou quelque chose? Non. Elle a fait un match il y a pas longtemps contre Liv Morgan. Voilà, c'était en gros pour dire, ok, il va y avoir un match à 4 à TakeOver. Eh bien, je pense que la prochaine à être sur les rangs pour la First Contender, c'est une de nous deux. On fait un match et on voit qui c'est qui gagne. Et évidemment, c'est Umber Moon qui gagne. Maintenant, c'est pas un statut, c'est pas un ticket de First Contender gravé dans le marbre, mais c'est ce que l'histoire raconte. Donc du coup, Umber Moon, elle a continué de gagner, toujours invaincue pour l'instant. Et ça paraît assez logique que pour le prochain TakeOver, eh bien, celle qui affronte Asuka, ce soit Umber Moon ou Nikki Cross, peut-être un triple threat, ou une triple frite, comme dit Ringside, je ne sais pas, on verra bien. Petit salut à lui. Donc voilà, mais non, Umber Moon est toujours là, elle continue de gagner, à placer son finisher qui est juste fabuleux, quoi, chaque fois. D'accord. Et ben on va passer au gros morceau de la soirée. C'est Shinsuke Nakamura contre Bobby Roode. Alors tout d'abord, y a les entrées, hein, on les attend, les entrées de ces deux-là. Donc Bobby, cette soirée-là, il avait décidé d'arriver avec une dizaine de top modèles. Hein. Donc voilà, pas de feu d'artifice, pas de podium, juste une dizaine de top modèles à prendre. Il n'a pas besoin, il est glorieux, il n'a pas besoin de feu d'artifice. Il est shy. Donc ouais, il arrive vers le ring avec 5 top modèles de chaque côté de lui. Bref. D'ailleurs, on peut savoir du coup combien mesure la largeur de l'entrée, hein, puisqu'il faut. Voilà. Autant de top modèles plus un Bobby Roode pour parce qu'elles avaient du mal à passer, hein. C'était j'avais peur pour je me suis dit qu'il y en a une qui va se prendre dans les barricades là parce que c'était serré. Donc voilà, et puis Shinsuke lui aussi a fait un petit peu dans le minimalisme, hein, parce qu'il a eu une sorte de pupitre sur rail sur lequel il dansait comme une reine de la nuit. Avec le stroboscope à 30 centimètres des yeux. On sait qu'il n'est pas épileptique, ça c'est sûr. Je me demande justement, parce qu'il fait toujours des petites crises d'épilepsie juste avant de monter, je me demande s'il en fait pas pour de vrai, mais qu'il l'a inclus dans son gimmick. D'accord. Il fait vraiment une crise d'épilepsie. Il avait deux strombos attachés sur le devant du pupitre. Donc voilà pour les entrées. Donc là, on a 7 choses à retenir sur ce match. Chronologiquement, donc on a Bobby Roode qui commence en alignant les filouteries hein, pendant au moins les 10 premières minutes du match, en sortant du ring dès qu'il peut, en utilisant le rope break pour arrêter le match, caser des coups gratuits à Shinsuke Nakamura pendant que l'arbitre fait pas trop attention, et il se concentre surtout sur des prises de soumission. Deuxième chose à retenir, lorsque Shinsuke reprend le dessus, Bobby Roode balance Nakamura au-dessus. Enfin, Shinsuke reprend le dessus pendant peut-être une minute ou deux minutes, et là, par contre, Bobby Roode le balance. Alors que donc, du coup, Shinsuke était en train de monter sur la troisième corde, et il balance. Je vais y arriver. Roode balance Shinsuke au-dessus de la troisième corde, et à ce moment-là, Shinsuke percute dans sa chute. Percute les marches en fer en tombant, donc botch ou pas, ça c'est très mal à voir. Troisième chose à retenir, donc Bobby Roode enchaîne ensuite en balançant Shinsuke deux fois dans des marches en fer, et il domine vraiment toute la première moitié du match en étant vraiment méthodique. Il case un double axe handle, beaucoup de coups de pied dans le dos et des knee drops successifs. Troisième chose à retenir, Shinsuke revient avec une guillotine sur la tête de Bobby Roode au bord du ring, puis un enchaînement de kicks au centre du ring aussi, des coups de genoux dans le coin. Bref, ça, il y a un va-et-vient quoi à partir de la moitié du match. Roode réussit néanmoins à aligner un backbreaker et un, j'ai noté muscle buster, c'est pas exactement, c'était pas un muscle buster, c'était, je sais plus. C'était, je crois que c'est un de ses finishers, mais bref. Et juste après, il évite un Kinshasa et fait un tombé de 3. Mais à ce moment-là, il a les pieds sur les cordes parce qu'il trichait, comme d'habitude, hein, Bobby Roode. Donc l'arbitre, heureusement pas trop con, s'en rend compte à 2,5. Et donc le tombé est annulé. Shinsuke, cinquième chose à retenir, Shinsuke se venge en piétinant la tête de Bobby, et il enchaîne avec une armbar transformée ensuite en triangle. Mais à ce moment-là, Bobby Roode montre un petit peu son courage et surtout sa force, puisqu'il soulève Shinsuke et du coup il le balance, et Shinsuke arrive quand même ensuite à caser une sliding knee, mais Roode sort encore, tombé de 2. Nakamura lance son genou à un moment à partir du poteau jusqu'au cœur de Bobby Roode au bord du ring, mais il se blesse le pied gauche en tombant, et donc ça va être un petit peu l'histoire de la fin du match, hein. Shinsuke a le pied gauche défoncé. Il essaye quand même juste après de faire un Kinshasa et il réussit, mais il ne fait pas le tomber parce que sa jambe lui fait trop mal. Et enfin, septième chose à retenir, alors que Shinsuke souffre à l'extérieur du ring, hein, les médecins sont en train de regarder un petit peu ce qu'il a. Bobby Roode vient le chercher, et donc du coup il lui case, il vient le chercher, il le met dans le ring et il lui case un glorious DDT. On croit au tombé final, mais Shinsuke réussit à kick out à 2. Et Bobby enchaîne avec une soumission sur le genou blessé de Shinsuke Nakamura. Shinsuke qui réussit à inverser cette soumission en triangle une nouvelle fois, mais il n'arrive pas à tenir parce que ses jambes le lâchent, et Bobby Roode lui remet un coup de Glorious DDT et il gagne la ceinture NXT. Bobby Roode est votre nouveau champion. Glorious. Voilà, match qui a duré une vingtaine de minutes, il me semble. 27 minutes et 30 secondes. 27 minutes, voilà. Et en comptant l'arrivée de Tensai, Matt Bloom. Tensai. Il y avait Joe aussi, il y avait Samoa Joe dans le public en premier rang. Ouais, il y avait Samoa Joe dans le public qui est resté stoïque. Sérieux. Sérieux. Une minute, le caméraman est resté sur lui pendant une minute. Il a tenu son rôle. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et puis du résultat? Ah, c'était sacré match, peut-être un des meilleurs de Shinsuke depuis qu'il est arrivé à NXT. Il y a sûrement ici de Sami Zayn qui est peut-être un petit cran au-dessus. Mais en tout cas, dans l'intensité, Je trouve que vraiment, il y avait vraiment quelque chose. L'alchimie avec Bobby Roode était vraiment super. Il y avait vraiment une bonne histoire, cette histoire de genou après la cheville et même le cou, la nuque, il lui a un peu tout démonté quand même. Hein. Je pense que les séances de kiné, ils vont en avoir un sacré paquet là, Shinsuke. Ça a commencé d'ailleurs sur le ring, hein, puisque le kiné est venu, comme tu l'as dit. Ouais, c'était vraiment un super match. Le résultat était. C'est toujours pareil. T'as du mal, c'est le genre d'affiche où t'as du un peu pas précipité, mais presque, où t'as du mal à imaginer un des deux perdre. Donc c'est plutôt la façon dont c'est raconté, évidemment, et là on a quand même bien protégé Shinsuke avec cette grosse blessure. Et voilà, donc ouais, il y avait vraiment de l'intensité, il y avait un sentiment d'urgence qui s'est installé progressivement dans le match, qui a fait que j'étais vraiment à fond. Les near-falls étaient assez excellents, la combativité de Shinsuke Nakamura était vraiment super, et j'ai beaucoup aimé vraiment la prestation de Shinsuke. Par rapport à, je trouvais sa rivalité avec Samoa Joe, enfin la rivalité était bonne, mais les matchs, j'ai trouvé un peu moins bons que ce qu'il nous a proposé là, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient de moins en moins bons, en fait. C'est ça le truc. Les matchs avec Samoa Joe étaient vraiment. Genre, ça partait très bien et c'est devenu de moins en moins bien, en Ouais, fait. alors c'est Bizarrement. peut-être aussi Samoa Joe, enfin pour moi. Après, je dis de moins en moins bien, ça reste Ça a des été bons excellent, matchs. mais Ouais, ça reste ça avait du excellent, mal mais à se c'est. renouveler en fait, c'est Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. on voyait un peu les mêmes séquences, c'est clair. C'est ça. Et là, voilà, il y avait une histoire un peu différente. Enfin, voilà, l'histoire a aidé à embarquer. Et puis voilà, une nouvelle ère commence. Une ère glorieuse. Oh oui, très glorieuse. Moi j'ai beaucoup aimé à la fin quand il y a la blessure au genou de Nakamura qui se fait et que Bobby Roode le place dans un half Boston Crab et qui en plus lui met des patates dans le Ah genou, là c'était super violent quoi. C'était vraiment genre il s'acharne mec, genre là. tu vas Oui. taper, tu vas abandonner. Ça c'était bien C'est et un je pense vrai pour revenir à ce que tu professionnel. Bah ouais, Bobby Roode est vraiment excellent et je pense que sa gimmick en fait fait aussi peut-être que la dynamique du match change par rapport à Joe, où Joe c'est le lion qui va manger toute la jungle et qui est très sérieux, alors Bobby Roode a un petit côté déconneur rigolo dans sa gimmick, tout heel qu'il soit, qui fait résonance avec le côté aussi un peu guignolesque de Nakamura et du coup l'alchimie je pense marche bien. Vraiment bien. Donc ça peut participer au fait que l'histoire qu'il raconte est plutôt intéressante, puis elle est nouvelle, donc forcément tout ce qui est nouveau a un peu son attrait. Sur le résultat, je pense que c'est un peu le même schéma que DIY avec les Authors of Pain. Bah, si on faisait gagner Nakamura, ben voilà, c'est comment tu rebondis à partir de là. Alors que là, forcément, ça implique une revanche. Peut-être une belle aussi, on retrouve finalement la même gimmick avec cette notion de blessure. Ouais, c'est pas déconnant. Qui n'hésite pas à faire des changements de titre, justement, afin de rendre la chose dynamique, puisqu'il n'y a pas un roster suffisamment profond Ouais. pour peut-être faire garder les titres par quelqu'un. Ils le font déjà Kasuka, donc c'est compliqué de le faire aussi avec Nakamura, je pense. Juste là pour rebondir sur ce que tu dis, Amiral, c'est vrai que là on est quand même dans une période de changement de titre assez intense, hein. Ils sont loin les longs règnes de Bo Dallas et Neville. On voit que ça leur a réussi d'ailleurs à Bob Dallas et Neville de garder le titre Oui, pendant très j'espère longtemps. Ça a qu'effectivement l'air cool. ça présage du bon pour ces champions de courte durée. Bah ouais. Moi, j'aimais Non, bien mais Bo Dallas à NXT. Hein. bah surtout, là, ils avaient réussi à en le faisant. Enfin, il avait un super perso, quoi. Ouais. Avec ce heel turn assez naturel. Voilà, mais bon, après, l'atterrissage est catastrophique. Ouais. Ouais, la gravité l'a oublié lui aussi, mais pas dans le bon sens, hein, ça c'est clair. On dit, non, c'est les bookers qui les ont oubliés, ceux-là. Ouais. Non, mais sinon, ouais, le match était cool, vraiment. Bobby Roode avait un style qui marche bien. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Triple H dans son catch, en fait, hein, dans sa stature, dans son charisme, dans sa gueule. Et c'est vrai, pour l'avoir connu pendant longtemps à TNA, il a vraiment cette notion de faire un rythme lent, méthodique, où il met pas beaucoup de coups, mais quand il les met, c'est puissant, ça fait mal, il les cible, c'est chirurgical. Et là, ça allait bien avec Nakamura qui, en 30 secondes, à mon nez, lui met 8 coups de genou, coups des pieds dans la tête. Donc, il y avait vraiment une alternance de ultra rapide, avec des coups King of Strong Style, le plus gros frappeur d'NXT, versus Roode, donc effectivement, beaucoup plus dans les prises de soumission, les spine busters, les power bombs. Donc, je trouve que là aussi, ça marchait bien, la différence de style. Et encore une fois, c'était comme beaucoup de matchs de cette soirée, bien construit dans le ring. Je trouve que c'était agréable. C'était pas forcément des meilleurs matchs. C'est pas des matchs 5 étoiles, mais c'était des matchs qui étaient intelligemment construits et qui prenaient bon parti des qualités de chacun, en fait. Et ça, c'était plutôt plutôt bien, quoi. Bon, pour une fois, on va pas être d'accord. Vas-y. Je me disais bien, c'est bizarre, on n'entend pas. je vais jouer mon heel. Mais oui, jouer. Alors, sept points sur lesquels je suis pas d'accord. Cette chose à ne pas retenir. Non, mais c'est compliqué. La fin du match, je dirais peut-être les cinq dernières minutes étaient vraiment bien. J'ai trouvé, je me suis ennuyé en fait au début du match. Je me suis vraiment, genre, les peut-être, je sais pas si c'est les 10 premières, oui, si sur 27 minutes, ça devait être au moins les 10 premières minutes. Je me suis ennuyé parce que. Je trouvais que Roode en faisait vraiment trop, quoi. Enfin, il en faisait vraiment des caisses sur le heel qui veut pas se battre ou qui se met à moitié dehors ou qui le heel un peu facétieux, quoi. Et c'est pas que je suis contre ça, mais juste je suis peut-être habitué à des main events de takeover où c'est costaud dès le début, ou même si ça va pas à 100 à l'heure dès le début, on sent une grosse intensité. J'ai trouvé que le match a pris vraiment son temps pour monter l'intensité, et que c'était un peu long au début. Ils ont passé comme 5 minutes à se regarder au début en faisant chauffer le public. Ça, c'est pareil, tu vois. Je veux bien quand t'en es à ton troisième ou quatrième match, quatrième affrontement, ou alors t'es à un AJ Styles contre John Cena, donc c'est historique, machin et tout. Mais là, là ouais, j'ai trouvé ça un peu long. Shinsuke, je l'ai trouvé bon, mais pas exceptionnel non plus. Enfin, j'ai rien vu qui m'a genre, il y a pas un moment du match où j'ai fait waouh. J'ai vu des trucs qu'il a déjà fait qui étaient très espacés, parce que du coup il y avait beaucoup de genre Roode pendant 10 minutes et ensuite 5 minutes de retour de Shinsuke qui me réveillait, du coup, enfin qui me réveillait dans le match. Donc voilà, après c'est toujours mon souci, c'est plus une question de goût. Moi, je ne suis pas forcément super fan des heels qui ralentissent énormément le match avec des soumissions, avec des trucs. Même si à la fin ça se justifiait, parce qu'à la fin ça marchait très très bien. Mais voilà, donc j'ai pas. C'est vraiment. Désolé de le dire, mais c'est le match qui m'a le moins enthousiasmé de la soirée, finalement. Par contre. Bah, qui en dit long sur la qualité du pay-per-view, c'est bien. Ouais. Par contre, je suis. Enfin, quoique le match féminin, j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Mais à part le spot dans la table, tout ça, mais voilà. Mais la perspective, par contre, avec Bobby Roode en champion, c'est que. Bon, je vois refaire un match contre Shinsuke, etc. Mais s'ils arrivent à garder Roode en champion, même si il le perd et il reprend, etc., et qu'on a enfin le retour d'Austin Harris, là je veux Austin Harris contre Bobby Roode. Ouais. Et là je veux voir ce qui donne, parce que au micro on sait que les deux peuvent. Enfin, c'est un peu la même alchimie qu'un Jericho et un Owens, quoi. Ils sont. Bah, on l'a vu à la TNA, en fait, hein. TNA, Austin Harris et Bobby Roode se sont affrontés. Ils ont été en équipe. Chacun était champion poids lourd de la TNA. Ils ont été ensemble champions par équipe. Donc, on sait que les deux, ça marche très bien, qu'ils soient en allié ou en adversaire. C'est quelque chose de qualité, ça, c'est clair. Donc, à voir si Harris va pas repartir chez les Cruisers. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est que est-ce que Harris serait prêt à revenir à NXT ou est-ce qu'ils préfèrent aller à 205 Live? Bah, la réponse est dans ta question. 205 Live, ça donne pas très envie. Ouais, mais il va être obligé, c'est pas lui qui décide. Bon, il est impliqué parce qu'il est commentateur, donc. Ouais, mais sachant qu'aussi, elle est. Il allait être dans les cruisers, hein, je crois. Il a dit en commentaire, ouais. Et sachant que la TNA, il a été longtemps, enfin plein de fois, champion de la X Division, qui est l'équivalent des cruisers à la WWE. Donc, du coup, il a une carrière chez les poids légers qui est déjà super établie. Donc c'est ouvert, on ne sait pas, ça pourrait être intéressant. Comme tu l'as dit aussi en début de podcast, hein, par rapport à Ty Dillinger, la revanche. Mmh. Et on peut en faire parler. Voilà, ah oui, donc parler, du coup, vas-y. Le plan machiavélique, c'est que du coup, une fois que Shinsuke est écarté, Ty Dillinger par je ne sais quel moyen, bah déjà, il faut qu'il rebatte Eric Young. Pour regagner un peu de momentum, mais donc voilà, qui s'ils veulent le garder à NXT, qu'il remonte comme ça et puis finalement quoi, qu'il arrive à avoir la ceinture. Le truc c'est que ça prendrait tellement de temps. C'est ce que je veux dire, la route sera longue pour être devenir prétendant. Ça prendrait tellement de temps et ça prendra encore plus de temps pour lui enlever quoi. donc voilà. Ouais, ça, après, typiquement, c'est le genre de gars, tu peux lui donner la ceinture le temps d'une soirée à la Zack Ryder. Bordel. Un petit chouchou du public. T'as eu ton takeover moment. C'est ça. c'est un peu, l'histoire serait belle et ça donne presque envie, mais faut le laisser partir, le petit. Là, ouais. Là, après, c'est le moment, ouais. C'est souvenez-vous bon aussi du nombre de fois où on a dû penser ça de mecs d'NXT c'est pas de notre faute. Hein. Qui sont arrivés les mains vides et j'aimerais pas qu'ils deviennent... parce que finalement, il a quand même quelques points communs. Enfin, j'en ai déjà parlé, je crois, avec Dolph Ziggler. Tu en as parlé avec Dolph Ziggler, carrément alors que... ouais. J'en ai parlé avec Dolph Ziggler. Bah, on s'appelle tous les dimanches histoire de comparer nos pronostics sur les pay-per-view. Mais bon, lui, c'est facile, il sait qu'il va perdre. Il demande je suis dans la carte. Bon, bah j'ai déjà un résultat. mais donc voilà. Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'aime bien le côté roue dans champion qui va pouvoir faire des promos parce que Nakamura, c'est compliqué avec l'anglais. Là, enfin, bah, on va avoir un champion qui va reparler au micro, etc. Donc, ça va être cool de voir un peu ce changement aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de champion de cet acabit-là. Enfin, en tout cas, qui a un potentiel en termes de promo, qui a un gimmick qui est fait pour. Enfin, il est fait pour être champion. NXT pendant un bon bout de temps. On avait Joe. J'avais Joe, mais Joe qui était vraiment dans le côté je parle pas trop. Ouais, mais bagarreur. Tout défoncé, quoi. Mais, C'est pareil, tu peux pas. Même si t'es bon en promo, si t'es en face de quelqu'un qui a pas les capacités, tu vas pas sortir une promo de 2 minutes pour qu'à la fin il babille I want to fight you at takeover. Ils l'ont fait au dernier NXT, hein, au NXT de cette semaine. Il y a ça se conclut quasiment, pas se conclut, mais il y a dans le ring Nakamura et Bobby Roode et il y a une promo qui dure bien 3-4 minutes où c'est bien sûr Bobby Roode qui fait tout le boulot et Nakamura, comme tu dis, qui balance quelques phrases qu'il a appris grâce à Wall Street. C'est du langage corporel. Ouais, non, mais elle était bien d'ailleurs cette promo, mais c'est vrai que ça souligne encore une fois que Shinsuke. La barrière de la langue. Ça passe pas et puis c'est un peu aussi, je pense, pour ça que Asuka est toujours là aussi. Je sais pas s'ils veulent ensuite la faire monter, mais voilà, ouais, c'est toujours le problème avec les Japonais. On va passer au dernier mot. Le dernier mot, un top, un flop, une note. C'est à Monsieur l'Amiral en premier. Alors, mon flop, c'est compliqué parce qu'il n'y avait pas grand-chose méga à jeter. Hein. J'ai envie de dire, peut-être aller la sobriété des entrées, surtout celle de Nakamura et Roode. Voilà, je m'attendais là par rapport à ce qui a été fait à TakeOver Toronto et les anciennes TakeOver. Là, le fait qu'ils soient l'un face à l'autre, j'attendais un peu plus d'explosivité, un peu plus de magnificence. Donc, c'était un peu trop sobre. Voilà. Bah, il a explosé le budget, à mon avis. Hein. HHH, il s'est fait taper sur les doigts. Hein. C'était... Ouais. Qu'est-ce que c'est que tes mecs avec tes violons, là, tes podiums de 10 mètres de haut? Non, mais on a des vrais pay-per-view là, à financer. Bah, il a quand même eu le top modèle, hein, donc du coup, pas mal. Hein. Ouais, mais ça, tu vas chercher des divas en formation, hein, à droite à gauche. À l'école de formation d'alternance des divas de Californie, il y en a. Et après, mon top, bah, ça va être un top un peu étrange, mais ça va être sur le fait qu'ils aient eu les bollocks de faire changer les ceintures, que ce soit pour DIY et pour Nakamura, parce que c'est pas forcément évident. La facilité aurait voulu qu'ils les conservent d'une manière ou d'une autre, parce que c'était le premier affrontement qu'ils avaient chacun face à l'adversaire du soir. Et je trouve intéressant en termes de storyline et de construction sur le long terme qu'ils aient dit non, ok, on va leur faire perdre le titre, et c'est pas grave. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un choix audacieux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps, donc je le souligne. Et ma note, eh ben, du coup, je vais mettre un petit 4, parce que, comme je disais, il n'y avait pas de match 5 étoiles dans ce pay-per-view, mais tous étaient assez solides et bien construits pour la plupart, donc c'est un pay-per-view cohérent et solide, donc c'est cool. Ok. Pas assez de feux d'artifice et de chorale, d'enfants de cœur pour l'amiral. Alors moi, écoute, mon flop, je dirais, c'est très difficile, hein, je trouve. Mais je veux dire, ouais, c'est le manque d'interaction, enfin, avec le public pendant le match entre Strong et Shane Almas. En particulier, Shane Almas, je trouve qu'il a encore cette science avec le public qui est pas superbe. Mais bah bon, après la technique du match a suffi. Donc ça c'est mon flop, donc c'est vraiment un petit flop. Et mon top, ça rejoint un peu ce que disait l'amiral, c'est Bobby Roode, la nouvelle ère qui s'offre pour NXT, et voilà, ce champion qui était, c'est un des champions les plus excitants, en tout cas un couronnement le plus excitant qu'il y a eu, je trouve, à NXT depuis un bon bout de temps. Donc ça va me redonner envie de mater un peu plus de façon un peu plus assidue les weekly de NXT. Et ma note, 4,25, juste pour mettre un petit peu plus que l'amiral. Parce que moi, la sobriété des entrées, ça m'a plu. Les 2017. Pin-up qui accompagnaient étaient pas très sobres, j'ai trouvé. Donc. Non, pour c'est 2017, clair. La sobriété. La sobriété. Et toi, Ange, alors mon flop, ça va être... Qu'est-ce que ça va être, mon flop? C'est pas évident, hein. On galère à trouver un flop, ce qui est un bon signe, hein, pour pay-per-view. C'est un... Bah alors, je vais être controversial. Je vais mettre Shinsuke. Bah, j'en étais sûr, mais oui. Je vais mettre Shinsuke. Une honte. Parce que... Je trouve que Shinsuke Nakamura perd un peu de... J'arrive pas à me... Enfin, à part son match... La dernière fois que Shinsuke Nakamura m'a foutu vraiment une baffe en match, c'était contre Sami Zayn. C'est ça. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, exactement. Et son premier match à NXT. Hein. Voilà, c'était son premier match. Non, mais après, il a eu des. Après, je dis pas, il a eu des très bons matchs aussi contre Samoa Joe. Mais je trouve qu'il perd. Enfin, les derniers matchs que j'ai vus en pay-per-view de Shinsuke Nakamura, il perd de son. J'ai envie de voir quelque chose d'impressionnant en fait de sa part, et j'ai l'impression de voir toujours les mêmes choses et de pas voir de choses étonnantes et de pas le voir se renouveler. La seule chose qui change, c'est son adversaire. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, on a l'impression qu'il s'adapte pas vraiment et que c'est si son adversaire est plus lent, et bah c'est juste qu'il va subir pendant un temps, et puis après il va caser ses trucs, et puis après il va quasiment rien faire, et ensuite il va caser ses 2-3 trucs, etc. Et voilà, contrairement à, je sais pas, vous disiez, il y a une bonne alchimie, tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très séparé, en fait, entre Roode et Shinsuke. Un match où chacun fait ses trucs. Oui. Et où il n'y avait pas, pas vu de moment genre oh mon dieu il contre ça ou il contre ça ou c'était très chacun fait ses choses quoi. Enfin, c'est deux styles très différents, ça c'est clair, ouais. C'est pour ça que ça paraît aussi haché et séparé, les rythmes étaient différents des catcheurs. Ouais, il y avait quelques jolies transitions sur les prises de soumission. Oui, voilà quand même. Ça ouais. Se renverse. Techniquement, on le voyait, notamment il y avait une tentative de armbar, justement, de Jujigatame. une tentative, hein, parce que armbar, il n'y en a qu'un, ouais. Hein, y a un seul, un vrai. Là, c'est ça. Et il a fait ça, Shinsuke Nakamura, alors que Roode était debout, il a fait ça en 2 secondes chrono, c'était impressionnant. On voit le background un peu MMA de Nakamura. Donc il y a des trucs qui sont faisables, mais c'est vrai qu'il fait peu de prises de catch en fait. C'est soit oui, la soumission, ouais. Soit la frappe. Et peut-être ce qui manque, c'est des prises, oh my god, justement, des holy shit moments sur des prises de catch, des portées, des power bombs, que sais-je. Et peut-être que c'est ça qui va manquer, plus le fait qu'il parle pas, il n'y a pas de promo. Donc c'est une gimmick charismatique qui est basée sur son style délirant et ses coups de pied. Mais ça, ok, on en fait le tour, quoi. Mais un peu peur, voilà... hein, ça montait dans le main roster. Hein. Un peu peur. Ouais. Et remarque, on reprochait aussi à Balor de faire que des kicks tout le temps aussi. Hein. Bon, mais, moi, je le reprocherai toujours. Hein. Quand il reviendra, je le louperai pas. Et il est attendu au tournant. Et donc, du coup, le top, bah, moi, je vais le donner. Alors, c'est marrant parce que ça devait être mon flop au dernier takeover dont on a parlé. Mais bah, je vais le donner à Authors of Pain qui m'ont impressionné, qui m'ont prouvé que bah, ils pouvaient faire un bon match et j'ai envie de les voir à NXT, enfin je veux dire j'ai envie de les voir dans un match à NXT et je me dis plus oh c'est l'heure de la correction, c'est l'heure de machin. Je pense que voilà, ils peuvent ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire un bon match. Alors ils sont aidés aussi par DIY qui sont c'est toujours l'histoire de quand t'as des mecs expérimentés avec toi ils savent te mettre en valeur, voilà. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match, c'est mon match préféré de la soirée. Donc voilà, et puis la note, bah moi je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5 parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de, mauvais match. Il n'y avait pas de match incroyable. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y avait un manque de tension pendant tout ce pay-per-view. Mais ça, on le savait avant, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Les enjeux n'étaient pas très clairs. De gros enjeux. C'était que les enjeux récents, en fait. Il n'y avait pas de rivalité qui traîne depuis des mois et des mois. Donc, c'est vrai que c'était des choses qui ont été construites depuis seulement un mois et demi maximum. Donc, c'est vrai que ça manquait de revanche, de bête, de choses comme ça. Quand tu sais que dans les weekly NXT, toutes les storylines ne sont pas développées, te dire que ça date depuis un mois, ouais, c'était court. Mais, bon, mais justement, ils ont réussi à passer outre et à nous proposer et faire un show quand même solide, une qualité, même si c'était pas mind-blowing et pas le meilleur takeover qu'on a vu loin de là. Bah, avec la matière à laquelle ils partaient, ils sont bien débrouillants encore une fois dans la construction des matchs. C'est ce que j'allais dire, hein. Ils sont en train de replacer un peu les pièces à NXT, hein. ils sont en train d'évaluer un peu qui pourrait monter, parce que pareil, dans les top stars d'NXT, il n'y a personne, hein, quasiment. Enfin, il y a Bobby Roode, il y a Shinsuke, et puis derrière, on ne sait pas trop qui pourrait prétendre. Dillinger, qu'importe. Il aurait pu, hein, au niveau de sa popularité, il aurait pu être dans cette title picture. Voilà, il y a peut-être aussi un manque là-dessus. Et tag team, pareil, hein, il y a énormément de monde. Donc, ils ont quand même fait une belle carte avec ce qu'ils ont. C'est la difficulté d'NXT, c'est qu'à un moment donné, les top stars, contrairement au main roster, on sait qu'elles vont partir d'NXT. Donc, il faut reconstruire de nouvelles top stars et faire monter des low-carders et des mid-carders vers le haut. Ce que fait rarement la WWE sur main roster. Et là, NXT, ils sont obligés. C'est une contrainte qui est forte, qui est compliquée. Et ça me paraît super difficile à faire et ils s'en sortent pas si mal, même si on a des moments un peu mous du genou, peut-être comme cette période, mais peut-être que Bobby Roode fera cette période glorieuse quelque chose qui sera excitant, on espère. Et par contre, du coup, dans le dernier Raw, j'ai dit que Bobby Roode allait. Enfin, j'avais choisi parmi les surprises du Rumble. Non, il sera pas au Rumble. Non, hein. Non, il sera pas au Rumble. Donc voilà, c'est évident là maintenant. Mais bref. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie, Yerem. Merci à toi, merci à l'amiral, merci à toutes et à tous, et merci à Bobby. Merci Bobby. Merci Bobby. Bobby. Et merci l'amiral d'être venu. Ah bah, de rien, toujours un plaisir. Et on vous dit à dans très très bientôt pour notre review du Rumble hein, qui va suivre peut-être 24 heures, 48 heures après celle-là. N'hésitez pas à vous abonner donc ou sur YouTube ou sur iTunes ou sur PodCloud et d'autres choses. Est-ce que j'ai oublié quelque Facebook. Chose Facebook, c'est toi qui l'as créé Facebook. En plus. Oui, le Facebook. Ketchup CDC, facebook.com/ketchupcdc. C'est là qu'on poste tous les podcasts et de temps en temps des vidéos qui nous font marrer ou qui sont intéressantes. Mais donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer. Si vous voulez nous envoyer un message personnel, vous pouvez en envoyer un avec le Facebook. Donc voilà, au lieu de commenter sur YouTube, mais si vous voulez commenter sur YouTube, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous donner aussi vos pronos pour le Rumble ou enfin pour le Rumble, vous n'aurez pas le temps. Donc vos pronos pour après le Rumble. Et est-ce que d'après vous, Seth Rollins va affronter Triple H avant WrestleMania ou à WrestleMania? WrestleMania. Que... Bon. Attends, ils ont pas pas raconté d'histoire pendant 6 mois pour tout précipiter, ce serait couillon quand même. C'est la WWE, ils peuvent faire n'importe quoi. N'empêche, là, en une minute à NXT TakeOver, il a fait mieux que en 6 mois le mec, quand même, cette Rollins, c'est incroyable. Moi je dis, ils feront le match en house show. Ouais. Et bon, on vous souhaite une très très bonne semaine, pleine de catch. Salut. Alors comment je suis avec celui-là? Je suis plutôt heel ou face?